Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, le direct de 18h à 19h sur Radio Gémozo 107FM. Et comme tous les soirs, je donne la parole à différents visages de notre département, à différentes associations, à différentes structures. Et avant que je vous annonce qui j'ai ce soir, j'en profite rapidement pour répéter un événement qui a lieu ce soir à la Bresse. C'est le 20h04 à la Maison de la Bresse où il y a une rencontre avec l'auteur Jean-Paul Didier Laurent pour la sortie de son dernier livre La Fissure, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, c'est l'info pour ce soir à la Bresse à 20h, pour ceux qui ont envie d'aller faire un tour là-bas. Mais bon, maintenant je me dirige enfin à mes invités qui sont là en face de moi tous les cinq. Mon studio est bien rempli, contrairement à d'habitude, vu que je suis en face du Centre des Tronches avec Élodie, Quentin, Céline, Thomas et un autre Quentin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, déjà, on va situer vite fait ce qu'est le Centre des Tronches et qui vous êtes. Déjà, avant toute chose, on est voisins, vu qu'on est tous les deux de Saint-Étienne-Lire-Miremont. Et je vais peut-être d'abord m'adresser à toi, Élodie, vu qu'il me semble que tu es la directrice. Tout à fait. Et puis, après tout, je t'ai eu au téléphone vendredi de la semaine dernière pour un événement qui a eu lieu samedi. On va revenir dessus, t'inquiète pas. Mais avant toute chose, oui, est-ce que tu peux présenter le Centre des Tronches aux auditeurs? Oui. Alors, le centre des Tronches, c'est un centre d'accueil et d'animation qui est situé tout au bout de Saint-Étienne-lire-Miremont. Et voilà, donc c'est un centre qui accueille du public, différents publics, tout public. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des personnes âgées, ça peut être aussi des vacanciers, des élèves, voilà. Des retraités aussi. Des retraités, voilà, des associations, ça peut être différents publics. En effet, et le Centre des Tronches, déjà, il existe depuis quand? Alors, le Centre des Tronches, il existe depuis 60 ans. Voilà, donc les 60 ans ont été fêtés en 2017. Et il a été créé pour quelle raison? Parce que c'est depuis le début que c'est un centre d'accueil? Alors en fait, c'était une ancienne ferme. Et les éclaireuses, éclaireurs de France, donc qui est notre association, ont donc acheté cette ferme et ce terrain. Et en fait, l'ont complètement... Rénové, voilà, pour que ça devienne un centre d'accueil. Et tu as dit c'est en lien avec les éclaireurs de France. Tout à fait. Tu peux me rappeler ce que c'est? Les éclaireuses et éclaireurs de France, c'est une association de scoutisme laïque. Et donc le Centre des Tronches appartient aux éclairs. Donc le Centre des Tronches fait aussi du scoutisme. Tout à fait. D'accord, il fait plein de choses. Et bon, le nom, je pense que la question se pose pas comme vous vous trouvez dans la rue des Tronches. C'est ça. Tout simplement, c'est pourquoi chercher midi à 14h. Mais voilà, et donc le Centre des Tronches, comme tu viens de le dire, a fêté sa 61e bougie cette année. Vous faites différentes choses, et d'ailleurs, je peux dire aux auditeurs, et de toute façon, je le répéterai après, on peut vous trouver sur Internet, sur votre page Facebook, Centre EEDF, les Tronches et... Et tu fonds, merci. Voilà, c'est ça quand on n'arrive pas à se relire. Ou sinon, vous avez un site à vous tout seul, www.centrelestronches.fr, là où on peut trouver en fait toutes les informations nécessaires pour savoir qui vous êtes plus amplement. Bon, on les rappellera à nouveau en fin d'émission. Oui. Et en gros, comme ça fait centre d'accueil, ça se dirige vers quel type de personnes? Alors, on propose différentes activités. Donc, on a les classes de découverte, qui viennent principalement justement en cette période là, d'avril à juin. On propose différentes thématiques aux écoles. Je laisse peut-être les animateurs parler des activités qu'on fait. En ce moment, ce sera plutôt sur la biodiversité, parce qu'en fait, c'est un peu le programme des écoles. Ils ont rajouté le thème de l'année, c'est un peu la biodiversité. Par exemple, l'année dernière, c'était plutôt le thème de l'eau, donc on faisait plus des animations sur la force de l'eau, plus sur la mare, les insectes de la mare. Et là, du coup, c'est plus la biodiversité, donc plutôt les insectes, aussi tout ce qui est nichoir à oiseaux, le lombricompost. Ça peut vraiment être des demandes complètement différentes selon les professeurs, selon l'âge des enfants aussi, ça va dépendre en fait. Oui, et c'est vrai que, Élodie, c'est bien que tu le soulignes, il y a des animateurs en face de toi parce que vous avez tous des profils différents et des fonctions différentes au sein du centre des tronches et ce serait peut-être bien en fait, même pour moi, que je puisse situer de quelle est votre fonction à chacun au sein de ce centre. On va peut-être commencer par toi, Élodie, on va aller de gauche à droite pour moi. Donc moi je suis la coordinatrice du centre, donc je m'occupe de tout ce qui est réservation, un peu la gestion du centre, la gestion de l'équipe. Voilà, je suis la chef. Et toi Quentin ? Alors moi je suis depuis octobre 2017 en service civique au centre des Tronches et j'ai une mission un petit peu d'appui au niveau de l'animation et s'occuper du jardin et ces choses-là. Du coup, pour moi, c'est donc j'ai commencé par un service civique au centre des Tronches en avril l'année dernière, qui s'est terminé en décembre de l'année dernière. Et en fait, là, pour le renfort des classes découvertes, en fait, je suis là en appui, en CDD, en tant qu'animatrice plutôt nature. Même si c'est pas que sur l'environnement, on se diversifie en fait sur tout ce qu'on fait. Voilà. Et pour moi, donc du coup, je suis animateur, coordinateur sur le centre des Tronches et je m'occupe de plusieurs pôles. Donc du coup, le pôle tout ce qui est animation nature, avec du coup le soutien des deux Quentin et de Céline. Ensuite, des animations périscolaires sur les mercredis récréatifs. Donc je me déplace sur les écoles, leur proposer des activités ludiques. Et ensuite, justement, je m'occupe des animations scouts. Par rapport justement à l'identité des éclaireurs de France, des animations qu'on propose à Saint-Étienne-le-Remiremont un samedi sur deux de 14h à 17h. Et enfin le deuxième Quentin. Et donc moi c'est tout pareil que Quentin en fait, on partage la même mission, donc soutien sur les différentes activités du centre, entretien du jardin. Et un peu développement du pôle environnement, etc. Enfin voilà, du coup on est collègues sur la mission. De service civique. Oui, après tout c'est bien de le rappeler, hein. Donc on a deux services civiques dans la salle deux animateurs. Enfin, il y a un petit peu de tout pour s'occuper de tout le monde. Et comme vous adressez un peu, enfin même si vous vous adressez un peu à tout le monde, est-ce que vous avez une majorité de personnes de qui vous chargez, donc des enfants, des écoliers, des enfants en difficulté, des personnes du troisième âge? C'est principalement les enfants, surtout là, hein, cette période des classes de découverte. Pendant l'été, on a les séjours, les colonies de vacances. Donc pareil, ça sera des enfants de 6 à 15 ans. Donc oui, c'est principalement des enfants. Après, on accueille aussi, on va dire, des jeunes à partir de 17 ans, parce qu'on a aussi tout ce qui est formation BAFA. Donc pour les futurs animateurs, donc à partir de 17 ans, ils peuvent venir se former à l'animation, aux éclaireurs. Voilà, et puis il n'y a pas d'âge limite. Après, on peut accueillir aussi, ça peut être des associations, ça peut être tout âge en fait. En effet, et on va parler des formations un petit peu plus tard, mais globalement vous faites des animations très diverses, des animations j'imagine plutôt en lien avec la nature. Oui, complètement, ouais. Justement, plus, comme on disait, thématique sur les insectes, en ce moment, beaucoup, sur les oiseaux. Là, on va accueillir justement un EHPAD où on va faire plusieurs séances avec un suivi complètement sur les oiseaux, avec en aboutissement, en fait, la construction d'un nichoir qu'ils vont ramener dans l'EHPAD. Après, justement, là où on est diversifié, c'est que, par exemple, on a une classe aussi qui vient pour faire une thématique sur les Amérindiens, la culture amérindienne. Donc là, à ce moment-là, on s'adapte aussi. C'est sûr qu'on essaye toujours de rapporter une petite touche de nature, mais c'est pour dire qu'on se diversifie à ce niveau-là, en tout cas au niveau de l'animation. Donc c'est à tous les niveaux que vous diversifiez, c'est auprès de publics très différents que vous travaillez, mais vous travaillez, si j'ai bien compris, avec les écoles, vous travaillez aussi avec les centres aérés, donc en dehors des périodes scolaires. On a pendant l'été, on a des centres de loisirs ou des centres sociaux ou des MJC qui viennent faire un séjour, un mini camp chez nous. Oui, donc voilà, il y a vraiment tout. Et le centre des tronches est ouvert tout au long de l'année. Dis donc, ça klaxonne dehors. oui, on est ouvert toute l'année, ouais. Ouais, ouais. On peut accueillir autant les classes. Pour l'année, là, elles sont venues à partir d'avril, mais elles pourraient venir avant. Elles pourraient venir pendant l'hiver ou en automne. On les accueille. Vous accueillez tout le monde en tout temps. Mmh. Le temps, parlons-en, ça va déjà être le temps de la première pause musicale, un morceau de Calvin Harris et de Dua Lipa. Le morceau intitulé One Kiss, donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Et c'était One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa. Vous êtes de retour sur Radio Gémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours avec Elodie, Quentin, Céline, Thomas et Quentin du Centre des Tronches. Et si un auditeur a envie de réagir ou passer un petit coucou en live, hein, y a aucun problème, passez par notre page Facebook Radio Gémouzo ou passez-nous un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Juste avant la première pause musicale, on a un petit peu décrit le centre et les différents profils qui s'y trouvent, hein, vu qu'après tout le monde ne fait pas le même travail au sein du centre des tronches. Et même en faisant du travail, vous pouvez même former. Et j'ai envie de parler rapidement de cette formation BAFA et BAFBD. Oui, BAFD, que vous faites. Donc voilà, depuis quand vous faites ces formations-là? Alors là, je sais pas, mais cette année, donc là en avril, on a eu deux formations, une formation BAFA base et une formation BAFA approfondissement. Ce sont les deux formations, on va dire, qui se passent en centre de formation. Donc la base, en fait, c'est le premier stage de l'animateur. Qui va donc apprendre, je sais pas, Quentin, t'as passé ta base, vas-y. Oui, tout à fait. Du coup, grâce à mon service IC, j'ai pu passer mon BAFA au sein du centre des tronches. Donc, j'ai fait mon stage de base. Ensuite, il faut passer un stage pratique, du coup, aller en colonie et trouver un stage. Et terminer, du coup, par un stage d'approfondissement d'une semaine environ, comme le premier stage, pour pouvoir valider justement son BAFA et être compétent dans l'animation. Et tu l'as passé en combien de temps, ton BAFA? Là, justement, j'ai passé ma première semaine de base. La semaine de base, ça dure 8 jours. D'accord. Voilà, c'était du samedi au samedi. Et là, il me reste à faire ma colonie que je fais du coup cet été au centre des tronches. 15 jours de stage, du coup. Et ensuite, pareil, donc pour l'approfondissement, c'est environ, c'est un peu moins, il me semble que c'est 6 jours. 6 jours minimum. Donc ça, c'est pour le BAFA, donc c'est le brevet pour être animateur. C'est ça. Pour faire, il me semble, une base pour s'occuper des enfants. Et si un auditeur qui a envie de passer son BAFA, est-ce qu'il n'y a pas de conditions d'âge ou d'origine Alors, si ça, il faut avoir 17 ans. Oui. Après voilà, il n'y a pas d'âge limite ensuite pour le passer. D'accord, et après pas de conditions limites, mis à part être disponible pour les stages, j'imagine. Oui, voilà, après il faut être là. C'est sûr, quand on s'inscrit pour la base, il faut être là les 8 jours. Le stage, il peut s'effectuer en internat ou en externat. Et puis ensuite, voilà, il faut trouver un stage pratique. Donc ça peut se faire dans les centres de loisirs, ça peut faire... Enfin, il faut que ça soit un accueil collectif de mineurs, mais ça peut être avec ou sans hébergement. Ah oui, en effet. Et il y a une question qui me vient d'un coup, vu que je vois que tous les invités qui sont en face de moi sont jeunes. Donc j'imagine que ça fait pas très longtemps que vous êtes tous au centre des tronches. Je me trompe ? Non. Non, c'est ça, ça fait moins de 2 ans. Ah oui, en effet, mais qu'est-ce qui vous a chacun mené à travailler là-bas? Bon, mis à part les deux services civiques, je pense que vous êtes passé par le portail du service civique, tout c'est simplement. Mais Élodie, Céline et Thomas, comment vous êtes venus à travailler au centre des tronches? Moi, j'ai postulé à une offre d'emploi. Et j'ai passé un entretien qui s'est très bien terminé, donc voilà. Mais je ne connaissais pas du tout, le centre avant. Je connaissais de nom les éclaireuses et éclaireurs de France, mais je ne connaissais pas non plus le milieu du scoutisme. Je suis arrivée un jour de neige et et voilà, je suis restée. Pour ma part, du coup, c'est parce que j'avais aussi fait le service civique avant, donc j'avais postulé, et c'est comme ça que j'ai aussi appris ce qu'étaient les éclaireurs éclaireuses de France, les éclés, que du coup j'ai beaucoup apprécié travailler dans cette structure. J'ai pu constater le avant Élodie et le après Élodie, voilà. Donc c'était deux modes de travail complètement différents, mais tout à fait voilà, tout à, qui me conviennent dans les deux cas. Et du coup, là, voilà, c'est avec plaisir que je suis en renfort pour les classes découvertes en CDD. Voilà. On va te donner la parole dans un instant, mais tu as titillé ma curiosité avec le avant Élodie et après Élodie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire qu'avant, Élodie est arrivée en février. Mmh. Et du coup, avant, c'était une autre direction. C'était donc Olivier Croux qui était le directeur du centre. Et il y avait aussi l'animatrice coordinatrice qui était sa femme Aurélie. Et du coup, voilà, c'était une autre ambiance, voilà, avec des manières de faire fonctionner le centre différente et voilà. Tout simplement. Et toi Thomas, vu qu'il faut quand même que je te laisse la parole. Donc du coup, et pour moi, donc j'ai fini mes études. Au départ, je voulais partir sur un poste de technicien rivière et comme ça m'a pas réussi, du moins j'ai pas réussi à rentrer dans ce domaine-là, je me suis réorienté en fait vers de l'animation. J'ai passé mon BAFA aussi. Et ça m'a permis, du coup, de par ma formation sur la gestion de l'environnement, ajouter des compétences d'animateur. Et de là, je me suis dirigé, en fait, vers un poste d'animateur environnement. Et en cherchant sur Internet, justement, sur des plateformes spécialisées, je suis tombé sur l'offre du Centre des Tronches. J'ai postulé, j'ai eu deux entretiens qui se sont bien passés, et me voici dans les Vosges. Parce que tu viens pas des Vosges? Alors, ça doit pas s'entendre. Au micro, je sais pas. En fait, je suis originaire du Lot-et-Garonne. Ah oui, en effet. Non, ça ne s'entend pas. J'avais cru que c'était l'Allemagne. Et c'est comme ça. Mais d'ailleurs, avec le Centre des Tronches ou même les éclaireurs de France, il y a peut-être des thématiques qui sont très importantes, j'imagine. L'environnement, l'éducation, qu'est-ce qui est le plus important? Bon, plutôt au centre, c'est surtout l'environnement, la nature, vivre en collectivité aussi. La laïcité aussi. La laïcité, oui, c'est voilà, c'est le caractérise. C'est ça. Mm. Et puis Thomas en fait, il est animateur au groupe local et c'est vrai que du coup, c'est aussi tout un projet de scoutisme qui est là beaucoup plus important. Qui reprennent justement les valeurs que tu as dit, donc du coup vivre en pleine nature, pouvoir vivre en collectivité, arriver à prendre l'entraide aux jeunes, sourire aux autres, la coéducation, et c'est tout un ensemble de valeurs qui, je pense, à mon sens, sont essentielles à enseigner aux jeunes d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est important à ce point de leur enseigner? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus de monde, en fait, oublie un peu l'environnement qui nous entoure et même les autres, la communauté. On est plus, à mon sens, porté vers l'individualisme et le fait de se faire passer soi avant les autres, et je trouve que c'est un peu dommage. Et on se rend compte qu'avec, du moins moi, l'avantage que j'ai, c'est que je peux voir justement les jeunes scouts qu'on a, et les jeunes, par exemple, que j'aurai en périscolaire, et on a deux comportements totalement différents. Et je pense que, justement, être sensibilisé par rapport aux valeurs du scoutisme, même si on n'y adhère pas forcément, on peut en prendre connaissance, et je pense que ça peut amener à réflexion. Et je suis une très grande néophyte, hein, je connais pas du tout les valeurs du scoutisme, alors est-ce que tu peux un petit peu éclairer ma lanterne à ce sujet ? Alors à ce sujet, les valeurs du scoutisme, donc du coup c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, après je connais pas toutes les formes de scoutisme, parce qu'il y a, les éclaireurs de la nature, c'est ça, on a les éclaireurs de France, ils ont tous des valeurs bien à eux, que je ne connais pas vraiment, parce qu'en fait je suis rentré au Centre des Tronches, tout comme Élodie, sans avoir eu de sensibilisation en fait sur les éclaireurs de France. Donc du coup, moi-même aujourd'hui, je suis en train d'apprendre justement et d'intégrer ces valeurs-là. Et celles que je maîtrise aujourd'hui, justement, c'est tout ce qui est autour de, comme je vous ai dit, sur la coéducation, sur le vivre ensemble et sur l'éducation en pleine nature. En gros, en fait, ce qu'on veut, c'est que les enfants deviennent des citoyens responsables. En fait, en découvrant les activités autour de la nature, en faisant des expériences, hein, parce que ça peut être aussi l'endroit pour. Et puis, je pense, tout ce qui est la solidarité, et puis le dépassement de soi aussi, ça peut être, quelque chose de nouveau aussi pour ces enfants-là. En effet, et on va en parler, je pense, après la pause musicale, mais c'est vrai que vous avez un peu titillé ma curiosité sur le fait de vivre dans la nature ou vivre ensemble. Mais on va en parler après la deuxième pause musicale, un morceau de Daft Punk intitulé Harder, Better, Faster, Stronger. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, c'était Harder, Faster, Better, Stronger, c'est ça? Non, j'ai dit dans le mauvais sens, mais c'était Daft Punk et vous êtes toujours dans l'heure des loups, toujours pour parler hein, de nature, de scoutisme, de valeurs, de vivre ensemble et de plein de choses comme ça. Et vous pouvez toujours réagir hein, via notre page Facebook Radio Gamozo ou au 03 29 62 40 40, ce serait avec plaisir. Donc, juste avant la pause musicale, hein, je voulais qu'on revienne sur des valeurs, le fait de vivre ensemble ou de choses comme ça, et comment dire, les scouts, parce que bon, c'est beaucoup sur le scoutisme, mais pas que. Déjà, les scouts, c'est faire du camping dehors, entre autres, et savoir survivre dans la nature. Voilà, bon, c'est pas vraiment de la survie, mais c'est plus du camping avec voilà des activités de pleine nature, comme par exemple la construction de cabanes ou la construction de bancs par exemple, ou de mobilier qu'on pourrait construire juste avec une corde et du bois qu'on peut trouver à l'extérieur. C'est aussi la responsabilisation des enfants. Par exemple, on peut leur faire passer le permis feu. Donc comment savoir arriver à allumer un feu en toute sécurité sans se blesser, ou par exemple on leur fait aussi passer un permis couteau, donc pour qu'ils sachent justement se servir d'un couteau sans se blesser dans des bonnes conditions. Ça leur apprend à se débrouiller, mais de manière ludique, parce qu'il y a toujours aussi, on y intègre souvent des jeux de pleine nature. Oui, parce que je pense que on n'a pas spécialement besoin de le rappeler, mais le meilleur moyen pour enseigner quelque chose aux enfants, c'est par le moyen du jeu, c'est de manière ludique. Et donc c'est comme ça que vous leur apprenez des choses, vous leur apprenez à aimer, à respecter la nature, ce que tu disais, Élodie, juste avant la pause musicale. Mais comme bon, j'ai parlé de camping en pleine nature, forcément, j'ai envie qu'on parle un petit peu hébergement, parce que j'ai vu qu'il y a des villages, un village indien, un village canadien, je crois, et même un bâtiment qui peut accueillir plusieurs personnes. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en effet, le centre des tronches, c'est un centre d'accueil et aussi d'hébergement. Donc en fait, on a un grand bâtiment qu'on appelle le bâtiment principal, qui peut accueillir un peu plus de 40 couchages. Qui sert pour héberger par exemple les enfants quand on a les classes, qui peut héberger les enfants quand on a les séjours aussi, mais aussi qu'on met à disposition soit en gestion libre ou en pension complète pour les associations. Donc voilà, ça peut être une rencontre d'un groupe qui veut par exemple, je sais pas, faire de la randonnée et qui cherche un endroit pour se loger. Ça peut être aussi les familles, par exemple les cousinades, des anniversaires, des fêtes. On a les logements et puis on a aussi les salles pour les salles à manger ou une salle pour faire la fête. Et puis on peut accueillir aussi des séminaires. Ça peut être un endroit pour se retrouver. Il faut de la place pour faire des réunions, on a des salles, il faut loger tout le monde, on a la place. Donc on a aussi le gîte de groupe qui est souvent réservé pour des week-ends. Donc là, on a un gîte qui peut accueillir 16 personnes. On a trois chambres avec les sanitaires, hein, douche et toilettes, et puis un salon et une cuisine, une petite cuisine. Et ça donne directement sur le jardin avec une très belle vue sur les montagnes. Donc c'est un lieu qui est assez qui est très accueillant. Et on fait donc soit en gestion libre, donc c'est-à-dire que les gens louent le gîte, ils viennent, ils profitent, mais on peut faire aussi en pension complète. C'est-à-dire qu'on a une cuisinière aux tronches qui s'appelle Valérie. Je sais pas si elle nous écoute, hein, on lui fait un coucou. Elle est en vacances. Elle prépare des bons repas. En général, les gens qui mangent chez nous sont toujours très très contents. Et petit-déj, repas, dîner ou repas du déjeuner, on peut proposer ça aussi aux gens qui ont envie de venir aux tronches. Ah oui, donc ça revêt beaucoup de forme et ça me fait presque penser à une auberge de jeunesse. Là, on accueille ce week-end un enterrement de vie de jeune fille. Je sais pas si ça peut rentrer là-dedans, mais... quand même pas. C'était pas tout à fait ça, non. Ouais, c'est plutôt... Une réservation, ouais. Quand même. Faut quand même réserver avant. On n'est pas... c'est pas comme un hôtel. C'est vraiment un gîte où on réserve et... En général, c'est pris à l'avance, donc il faut pas hésiter à téléphoner ou à aller sur notre site, vous nous téléphonez et puis vous demandez des renseignements et nous on sera un plaisir d'accueillir. Ouais, et Élodie, c'est à quel numéro qu'on peut téléphoner ? Alors, c'est au 03 29 61 06 26. où ce sera possible d'avoir plus d'informations, de réserver, je rappellerai plus vers la fin de l'émission, le site internet et la page Facebook du Centre des Tronches. Mais c'est vrai que j'ai envie de revenir un petit peu sur votre expérience à chacun et les choses que vous avez fait concrètement en fait au centre des Tronches, parce que c'est vrai, c'est bien de dire je suis coordinateur, je suis animateur, mais dans ces fonctions-là, on peut faire énormément de choses, tant sur le terrain que sur le papier, pour créer des projets, enfin des choses comme ça. Donc, comme je t'ai majoritairement donné la parole en premier, Elodie, hop, je vais changer de sens. Donc, je vais m'adresser au deuxième Quentin, vu que tu es en service civique comme le premier Quentin. Hein. Voilà, vous pouviez pas faire les choses la moitié, deux Quentins qui font la même chose, un service civique. Donc toi, Quentin, quel est concrètement ton travail au sein du Centre des Tronches? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec les enfants? Beaucoup d'animation, d'éducation à l'environnement avec donc Thomas et Céline. Et après, pareil, du coup, j'ai fait quelques interventions dans les écoles primaires dans le cadre des NAP. Et sinon, après, donc, comme on disait, c'est assez vaste. On aide un peu tous les membres de l'équipe. Donc, on a déjà fait du service quand on accueille des groupes au centre, par exemple, quand on avait un groupe, une classe qui venait. Enfin, c'était une classe qui était là, une promo de il y a 50 ans. Donc, c'est des personnes assez âgées qui se retrouvent tous les ans pour faire passer des week-ends ensemble. Donc là, dans ce cas-là, c'est on était au bar où on faisait les services à table, etc. Donc après, sinon, comme expliquait, on a beaucoup travaillé sur le terrain du centre, donc avec l'aménagement d'un jardin pédagogique en quelque sorte. Donc quand on accueille des classes qui veulent faire du potager, par exemple, on peut les faire intervenir sur ce terrain-là. On a planté une haie aussi, une haie également pédagogique, une haie nourricière, pour favoriser un peu la faune, enfin les oiseaux, etc. Et je crois que j'ai fait un peu le tour. Oui, après, on a une espèce de mini-ferme. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu nous qui l'entretenons. Et voilà, donc c'est assez vaste, c'est hyper intéressant en tant que volontaire service civique de pouvoir participer à toutes ces activités, quoi. Et ça fait combien de temps que t'es en service civique? Depuis octobre, du coup, depuis début octobre jusqu'à fin juillet. Ah oui, donc ça fait environ 9 mois, c'est ça? On a signé pour 10 mois. En effet. Et je pense qu'on va y revenir, mais t'as un petit peu titillé ma curiosité sur le jardin pédagogique, bon, la haie pédagogique aussi et la ferme. Mais on va y revenir après, je me suis noté ça. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as déjà fait comme activité, enfin concrètement, que tu peux peut-être raconter aux auditeurs pour qu'ils visualisent mieux ton travail? Alors mon travail, donc je vais vous donner des exemples sur chacun de mes pôles. Donc on va partir sur l'animation environnement du centre. Donc par exemple, il m'est arrivé de faire des animations autour de la mare, parce qu'on a une mare pédagogique sur le centre. Donc on amène les enfants au bord de la mare, on leur fait faire des pêches munies d'épuisettes et de bois de loupe afin d'observer leur pêche. Et ensuite, on les sensibilise. Alors pourquoi ces bêtes sont là? Non, en fait, ce sont des indicateurs de la qualité de l'eau, donc ce sont des informations qu'on leur transmet. Et ensuite on élargit toujours un peu plus. Donc là, par exemple, si on fait une animation sur la mare, on élargit sur on leur donne des pistes sur l'environnement pour qu'ils essayent de s'intéresser un peu plus que l'animation qu'ils ont faite. Ensuite on va prendre notre cas, par exemple en périscolaire. Là, ça va pas être des animations autour de l'environnement, mais on aura des thèmes particuliers. Par exemple, en ce moment on fait du moins je fais des animations sur la préhistoire. Et du coup, toute l'animation, en fait, va être... Donc, on va essayer quand même de leur donner quand même quelques connaissances sur la préhistoire, comment les hommes vivaient à l'époque, ce qu'ils chassaient. Et à côté de ça, il y aura des jeux dont l'imaginaire aura été tourné, en fait, vers la préhistoire. Donc, il faut que ce soit quand même très ludique. Et ensuite, par rapport aux scouts, on a fait des sorties pour aller ramasser des bâtons qu'ils ont eux-mêmes gravé, donc on leur a fait passer le permis couteau, et ensuite ils ont gravé des bâtons de marche qu'on pourra utiliser sur de futures randonnées. Ah oui, donc c'est très vaste. Tout ça. D'ailleurs, c'est vrai que tu avais dit que tu avais fait une spécialisation dans le travail de l'eau, donc tu es vraiment, toi, spécialisé aussi sur l'eau, non? C'est ça, sur l'eau et principalement sur la gestion de l'eau dans le milieu naturel. En effet, en effet. Et oui, c'est vrai que cette tu as parlé de ton atelier sur la préhistoire. Comment est-ce que tu as pu tourner ton atelier préhistoire sans transformer ça en cours d'histoire ou d'archéologie ? Mais par exemple, l'animation en général, je la découpe en plusieurs parties. Donc on va partir sur une séance de 3 heures. Alors on va dire que sur le premier quart d'heure, je vais leur lire une histoire ou une bande dessinée avec eux sur la préhistoire. Et à chaque fois, dès qu'il y a un petit élément qui les interpelle, je reviens dessus et je reviens sur un petit fait historique. Donc ça rentre dans le cadre de l'histoire. Ça leur apporte un contenu, mais pas de manière comme s'ils étaient assis derrière un bureau à écouter tout le temps. Là, c'est quand même de manière assez ludique. Et ensuite, je vais partir par exemple sur une activité manuelle, par exemple faire des peintures rupestres sur une grande feuille, ou par exemple construire des arcs. Voilà, ça peut être toutes sortes d'activités manuelles. Et ensuite, on part sur des jeux dont l'imaginaire est tourné sur la préhistoire. Par exemple, la chasse au mammouth, au lieu de faire un trap-trap, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il faut toujours sortir, on va dire, du classique de l'animation et toujours travailler l'imaginaire pour que ce soit jamais redondant pour eux et qu'ils aient tout le temps envie de participer à ces jeux. Ah oui, en effet, donc comme tu as dit, tout le temps relancer pour que ça reste ludique et qu'ils aient tout le temps envie de continuer. Et je me tourne vers toi, Céline, tu es toujours animatrice, hein, ça n'a pas changé, mais c'est vrai que tu ne l'avais pas dit en début d'émission, tu as fait ton service civique aussi là-bas, et concrètement, ton travail, tu fais quoi, ou est-ce que tu peux détailler une de tes animations ? Oui, en fait, je pense que d'ailleurs Thomas, il en a pas parlé, mais quand on est animateur, en fait, il y a toute une phase de préparation avant, parce qu'en amont, on a quand même des demandes des professeurs, de ceux qu'ils veulent enseigner à leurs élèves, et du coup, nous, on doit s'adapter en fonction de leurs demandes, et surtout pédagogiquement, on doit apporter quand même un contenu, et voilà, c'est là qu'il faut apporter le côté ludique aux animations. Donc il y a vraiment ce temps-là de préparation avant. Qu'il faut qu'on prépare. Et donc après, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme animation qu'on a fait Par exemple, sur une animation, on a une animation Les Amis du Jardin. Donc j'ai dû en amont préparer un peu tout ce qu'il y avait autour des Amis du Jardin, qui c'était pour les professeurs. Il faut aussi se mettre dans la peau des professeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent aussi derrière. Et donc après, voilà, je commence à me documenter, parce que c'est aussi l'essentiel de l'animation. Quand on manque un petit peu de connaissances, voilà, il ne faut pas hésiter à se documenter davantage. Et ensuite, donc sur le terrain, voilà, ça va être d'animer, de proposer des jeux. Donc comme l'a dit Thomas, là en l'occurrence, c'était un peu de comprendre les rôles des différents animaux qu'on peut trouver dans le jardin, les amis du jardin, un peu ceux qui vont réguler tous les, comme on appelle, les ravageurs, les pucerons, les limaces, voilà. Donc un peu leur faire comprendre que derrière tout ça, il y a une chaîne alimentaire qui s'installe et que chaque espèce est importante, même le ravageur est important, on néglige rien. Voilà, et après aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir si eux, ça leur a plu aux enfants. Donc on a des petits moyens, soit on leur demande directement, soit on le voit directement si ils ont accroché ou pas. Ou des fois même, on a un questionnaire de satisfaction à la fin qui permet en fait qu'on distribue, et aussi qui nous permet d'avoir des retours sur nos animations. Donc comme ça, on a un peu un avant animation, pendant animation et après animation, un peu pour vous situer. Et on n'hésite surtout pas aussi à faire des bilans avec les enfants. Par exemple, quand on les a sur plusieurs journées, ce qui nous arrive souvent, on revient sur des notions qu'on a déjà vues. Voir, par exemple, leur poser question, qu'est-ce que c'est cet insecte-là qu'on a vu hier, etc., etc., ou qu'on a vu dans la forêt. Donc ça, c'est un aspect de ce qu'on fait, mais aussi quand on accueille justement les enfants pendant plusieurs jours, la plupart du temps, on gère un peu leur vie quotidienne. Donc on les a de l'accueil jusqu'au départ. Donc ça veut dire, on essaye de tout mettre en place, que ce soit les repas avec l'aide de Valérie qui est la cuisinière, les couchers, les veillées le soir aussi. On propose des veillées comme par exemple veillées casino, veillées grand jeu en bois. Voilà, on a plusieurs, la boum aussi souvent, qui est un peu la soirée que tous les enfants attendent. Et donc ça aussi, on doit le gérer, le préparer, et voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment... l'étendue, mais même pas que de ton travail. Je pense que tu t'es étendu beaucoup plus loin. Je m'adresse au deuxième service civique. Enfin, oui. Enfin, de toute façon, il y en a deux, peut pas y en avoir plus. Donc toujours Quentin. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Des nichoirs. Ouais. Là, je suis en plein atelier nichoir. J'ai dû construire plein de nichoirs. Et oui, c'est vrai. Du coup, Quentin a déjà parlé un petit peu de la mission en général. Après, au niveau des activités, on essaye souvent d'être en appui sur les animations. Donc, c'est-à-dire que la dernière fois, avec une classe, par exemple, on a dû faire un hôtel à insectes. Donc, on a préparé tout le matériel, on a coupé les planches en avance. Et du coup, avec la classe, on a construit ensemble l'hôtel à insectes qu'ils ont pu ramener à leur école, avec deux bacs de culture où ils ont pu mettre des fleurs. Donc, on a construit tout ça avec eux et on a pu leur mettre. Ils ont pu l'emmener dans leur école. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire. Après, dans la phase un petit peu avant toutes ces classes, donc le début du service civique, on était pas mal sur le jardin. On a essayé de réfléchir comment on pouvait le réaménager, parce que c'était l'intérêt de la mission aussi. Et du coup, on a fait des nouvelles structures dans ce jardin les semaines en fait où il n'y a pas de classe, où on pouvait avoir du temps disponible pour travailler dessus. Oui, donc ça c'est ton travail ces nichoirs à insectes. Tu as réussi à sensibiliser les enfants sur l'importance des insectes dans notre écosystème? Bien sûr, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai parlé construction, mais toujours en amont, on fait une séance où on anime et on explique vraiment à quoi servent les insectes, pourquoi les protéger, etc. Donc avant de construire sans but, on leur explique bien l'intérêt de tout ça en fait. Et globalement, après, les enfants comprennent aussi l'intérêt de leur travail et de la protection des insectes. Ah oui, ça marche à chaque fois. Ah oui, en effet. Et enfin, toi, Élodie, vu qu'après tout, tu es coordinatrice, donc directrice du centre, c'est ça? C'est ça, donc je fais toute la coordination du centre, voilà. Donc en gros, je m'occupe de tout ce qui est réservation, je suis un peu la première interlocutrice des personnes qui ont envie de venir. Je m'occupe de tout ce qui est mettre en place le programme avec les enseignants. Après, je passe le relais aux animateurs. Je m'occupe de tout ce qui est la gestion des pensions et puis des réservations pour le gîte. Comme j'ai été embauchée en tant qu'animatrice développement, je dois aussi réfléchir à l'évolution du projet des tronches et qu'est-ce qu'on va mettre en place l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Là, je suis en train de m'occuper surtout de la préparation des séjours de l'été, donc du recrutement des directeurs des séjours, de réservation des activités, des inscriptions, des partenariats. Et puis après, j'essaie de mettre en place des nouveaux projets pour communiquer autour du centre. Donc, par exemple, tous au jardin. Qu'on a mis en place samedi dernier. C'était donc un chantier participatif où on a essayé d'inviter des gens qui viennent vraiment de pas loin du centre pour déjà pour nous rencontrer, hein, puisque Thomas et moi on est arrivés il y a pas très très longtemps et tout le monde ne connaît pas toute l'équipe. Peut-être qu'il y en a qui avaient déjà rencontré Quentin et Céline l'an dernier ou en début d'année, mais c'était vraiment pour nous rencontrer, dire qui on est et puis connaître le centre, hein, parce qu'on est on n'est pas loin de Saint-Étienne, on est à Saint-Étienne, mais on est loin de la ville quand même, mais on n'est pas loin de Remiremont, on n'est pas loin du Giremont, tout ça. Et ça a permis d'amener un peu de personnes au centre. Donc on essaye de communiquer autour du centre pour amener de la nouveauté. Donc c'est un peu mon métier, c'est de développer le projet. Oui, et le projet Tous au Jardin, on va en parler après la troisième et probablement dernière pause musicale, un morceau de Nujabes intitulé Orian Dance. Oui, on voit clairement que je le découvre. Donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Thank you. Et c'était Aouarian Dance, hein, je vais y arriver, de Nujabes. Vous êtes toujours sur Radio Gemouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et toujours hein, pour parler de jardin pédagogique, d'éclaireur de France, donc de scoutisme, avec le Centre des Tronches qui se trouve à Saint-Étienne-Lermiremont. Et Elodie, hein, mais bon, les autres peuvent aussi répondre à la question forcément. Tu as parlé juste avant la pause musicale de la journée Tous au Jardin, qui était vraiment là pour vous faire connaître, mais c'est vrai que il y a possibilité d'avoir un petit feedback, savoir comment ça s'est passé. Oui, donc en fait c'était voilà, c'était un chantier participatif, c'est-à-dire qu'en fait on a invité les gens à venir nous aider à nettoyer le jardin. Donc en fait on a fait de la débroussailleuse, on a monté les grandes tentes, on a nettoyé un peu, on a bougé l'enclos des chèvres, on a nettoyé un peu le jardin pédagogique, voilà, on a fait des petits travaux de jardinage, des herbages, etc. Et en fait on a des personnes qui sont venues nous aider, et du coup ça a permis aussi d'avoir une discussion autour des pollinisateurs, des plantes du jardin, la voilà. Mare aussi, voilà. Parce qu'il y a eu des enfants, et donc les enfants ont pu faire aussi une petite chasse aux insectes, un peu pêcher les insectes de la mare aussi en même temps, quand ils voulaient plus faire par exemple désherber le jardin, ou voilà. Donc on a eu des enfants, on a eu des adultes, voilà, donc c'était très varié, on était une bonne vingtaine, et on avait le beau temps, donc ça, c'était super. Ben, ça c'est quand on oublie d'allumer son micro. Donc, donc voilà, donc ça vous a vraiment permis de mieux vous faire connaître et que les gens connaissent mieux votre équipe. J'imagine que ça a aussi pour but des inscriptions qui est à venir pour l'été, c'est ça ? Ben oui. Alors le but premier c'était aussi voilà de montrer qu'on est là et qu'on peut faire plein de choses au centre. Aussi voilà de faire parler de nous. On arrive bientôt donc au séjour de l'été, voilà, on attend, on prend encore les inscriptions pour les enfants, donc on a des séjours thématiques sur un séjour Moyen-Âge qui s'appelle Princesse, Chevalier et Troubadour, qui est pour des enfants de 6 à 11 ans. On a un séjour qui s'appelle Robin des Bois, voilà, qui est plus autour de la nature, construction de cabanes et tout ça, pour les 8-12 ans. Et on a un séjour pour les 12-15 ans qui s'appelle Sport et Vidéo. Et voilà, donc on attend. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, c'est à partir du 7 juillet. Et voilà, vous pouvez nous contacter pour avoir des informations. On peut envoyer des brochures. Vous trouverez aussi toutes les infos sur notre site internet. Et on a aussi un séjour au mois d'août, du 18 au 31. Donc ça c'est pour les inscriptions qui sont ouvertes donc aux enfants entre 6 et 15 ans. Et donc c'est pour le mois de juillet. Il y a rien pour le mois d'août ? Pour le mois d'août, on a un séjour aussi autour du Moyen-Âge à partir du 18 août jusqu'au 31 août, et on a aussi la toute dernière semaine du mois d'août un séjour qui est sans hébergement, hein, parce que tous nos séjours sont avec hébergement, sauf justement la dernière semaine du mois d'août, ce qui permet voilà aux personnes qui n'ont pas envie forcément d'envoyer leurs enfants en colo, mais qui habitent pas très loin, s'ils ont envie voilà de les déposer le matin, de venir les rechercher le soir, parce qu'ils ont repris le travail, parce que c'est la dernière semaine avant l'école, et souvent les centres de loisirs sont fermés à cette époque-là. Du coup, nous on est ouverts, et voilà, vous pouvez inscrire vos enfants. En effet. Et il y a peut-être une ou deux petites dernières questions à laquelle j'aimerais quand même avoir une réponse, et je pense que je vais me tourner vers Céline, vu que tu expliques les choses très bien. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer ce que c'est donc la mare, la haie, le jardin pédagogique, avant qu'on se dise au revoir? Bah, pédagogique, je pense que du coup c'est assez parlant. En fait, c'est des outils du coup d'animation, on appelle ça des outils d'animation, qui permettent justement aux enfants de... En fait, nous, ça nous fait vraiment un vrai support réel. C'est pas des images, c'est pas des photos, c'est pas un écran ou une projection. Vraiment, là, on emmène les enfants sur le terrain. Et donc à partir de là, on peut, par exemple avec la haie, bah, ce sera apprendre à reconnaître les arbres avec des vraies feuilles qu'ils vont pouvoir manipuler. Pour la mare, ça va être pareil, une vraie mare avec où ils vont vraiment pêcher, ils vont vraiment trouver des vrais animaux qui font leur vie dans la mare. Et en fait, c'est comme ça pour tous nos outils. Là, par exemple, même pour le jardin pédagogique, c'est exactement le même principe en fait. Ils mettent vraiment, comme on dit, les mains dans la terre, et ils font... Voilà, ils font par eux-mêmes. les expérimentent vraiment avec tout leur corps. Et la ferme, elle est pédagogique aussi ? À vrai dire, la ferme, on n'a pas vraiment de demande au niveau des professeurs en ce qui concerne la ferme pédagogique. Après, elle pourrait être exploitable si jamais on a une demande. Enfin, en tout cas, elle est là pour, mais c'est vrai que c'est pas la thématique qu'on nous demande le plus. Donc, les chefs, elles sont quand même de très bonnes compagnies. Nos poules aussi, elles nous font des œufs qu'on ne donne pas aux enfants, mais qu'on se garde du coup pour nous. Au niveau de l'hygiène, on n'a pas trop le droit de donner des œufs de poule comme ça, mais voilà, après c'est quand même la compagnie. Aujourd'hui on a accueilli des élèves de maternelle et ils étaient ravis de voir les chèvres. En plus en ce moment on a un petit cabri, donc c'est encore mieux. Ah oui, en effet, donc tout pour le plaisir des yeux des enfants et pour forcément leur apprendre à mieux reconnaître la nature, à mieux l'aimer, mieux la respecter, pour qu'ils deviennent des adultes respectueux de la nature plus tard. Et avant qu'on se dise au revoir, je vais faire le programme de la soirée et puis après je vous laisserai le mot de la fin, ça vous va ? Okay. Alors, la prochaine émission, ce sera à 20h. Ce sera Débat et Déo avec Julien et Julien. Décidément, les doublons, c'est pour la soirée. puis de 23h à minuit, c'est l'émission Rock à la Casbah. Et la prochaine émission, c'est la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant, de 7h à 8h demain matin. Suivi de la dernière chronique BD de Camille, si je ne m'abuse. Et enfin, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de vendredi. On se retrouvera demain soir, même heure, mais comme c'est vendredi, qui dit vendredi dit sortie, donc ce sera le billet de sortie comme d'habitude. Et puis voilà. Donc je vous laisse le mot de la fin, au petit centre des tronches, avec toujours Élodie, Quentin, Céline, Thomas et Quentin. La parole est à vous. Voilà. Moi, je voulais dire merci. Je voulais dire voilà, si vous voulez nous contacter, il y a notre site internet, il y a le Facebook, le numéro de téléphone, je répète, c'est le 03 29 61 06 26. Le site internet. Oui, le site internet, donc www.centreletronches.fr et la page Facebook Centre EEDF, donc EEDF en majuscule, Les Tronches et Tu es Fond. Et tu fonds, pardon. Voilà, et puis je peux passer un petit coucou. Mais okay. Vas-y. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, alors je fais un coucou à Caroline, à Aaron, un bisou à Billy, à Alex, et puis un gros coucou à Valérie, parce que je lui ai dit d'allumer sa radio, et du coup elle nous écoute. Eh bien, un coucou à tout le monde, à tous ces auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent. Merci beaucoup pour votre patience. Et pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre la rediffusion de demain, l'émission sera en podcast sur notre page Facebook Radio Gémozo ou sur notre site dans la rubrique L'heure des loups. Alors encore une fois, merci de votre attention. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu témoigner dans nos micros. C'était vraiment très sympa. Merci. Merci à vous, merci à vous. C'est sympa. Et puis, écoutez, on se dit rendez-vous demain, même heure, sur Radio Gémozo. En attendant, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.